La délégation sanitaire de la République populaire démocratique de Corée, conduite par le ministre de la Santé publique, Kang Ha-guk, a quitté Pyongyang par avion le 19 pour participer à la 69e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, prévue à Genève, Suisse.